l'époque, je voulais déjà la perdre tes haines. J'étais pauvre, tu m'allumais sur le TMN. C'est de la peuf, viens pécho, c'est dans le cello. C'est la haine, je tenais pas la fin de semaine. Magnétoscope, je mets l'équipe de Chris Cross. J'étais ce microbe, mais t'inquiète le petit cross. Holocauste, la trouée, fallait pas qu'on se plaigne. C'est la crise grave, c'est la course à l'espèce. Tu vas être choqué, tu vois que le showcase. Je maîtrise mon art de la tête aux pieds. J'aiguise mon chlas, allez venez me sauter. Petite beauté, toi je peux te doter. Je rageler dans le sang, je baigne dans le sang. Je veux la porte sur Paris avec vue d'ensemble. Tarakli aime kiff, je sais qu'elle me kiffe. Son cœur j'ai rafistolé avec quelques sons. Je suis bientôt dans mon quatrième album. L'équipe c'est la même que les Dalton. Pas les couilles, j'ai qu'à d'amitié par pote. Ça bouge pas, je découpe les couplets au scalpel. Ma rue m'a appris les ficelles. Y'a les fils, ça les fils, simple officiel. J'fais des photos, moi qui voulais une vie simple. On a les mains crades avec tout ce qu'on a viscère. Non, n'appelez pas le 17. J'rappe avec poil et risé. Non, n'appelez pas les kiss day. J'ai le flow du premier suspect. Je sais que maintenant tu sais. Fallait bien que tu le saches. RS sur la calande, la peuf sur la balance. On est bien tant que ça rentre, ne crois pas qu'on t'arrange. Même si j'ai le bras long, mais serre pas la phalange. Même si j'ai le bras long, j'ai fait passer mon liquide. Et j'ai même payé le douanier, tu peux parler sur moi. Ce soir je m'endors dans un étoilé, que ça parle de calache. Mais pourtant t'as pas l'âge, la rue on maîtrise. Dans le bise, pas de paresse, hein. La peuf c'est pas rapé, y'a que sur longue vie. Je me suis raté, fils de pute. T'es baraquée, j't'allume ta mère. On parle après, la peu guêpée dans le sac. Dans le coffre, dans le cab, je sais qui les putes qui veulent pas me voir monter. Je leur ferai du sale jusqu'à que mon cœur arrête de battre. À qui se fier quand l'amour n'est pas rentable. Ma rue m'a appris les ficelles. Y'a les fils, ça les fils, simple officiel. Je fais des photos, moi qui voulais une vie simple. On a les mains crades avec tout ce qu'on a viscère. Non, n'appelez pas le 17. Je rappe avec poil et risé. Non, n'appelez pas les kiss day. J'ai le flow du premier suspect. Je sais que maintenant tu